Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous. Bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Deux invités ce soir, deux frères Carmes, pour nous présenter et nous parler de la retraite en ligne avant 2014 et de son contenu que nous proposent les frères Carmes de la province nord de la France. Le frère Jean-Alexandre de Garidel du couvent de Paris qui a préparé cette retraite en ligne avec une équipe carmélitaine et le frère Philippe Hugelet, prieur du couvent de Lisieux, et vice-postulateur de la cause de béatification du Père Jacques de Jésus, qui est au cœur de cette retraite en ligne avant 2014, devenir lumière dans la nuit avec le Père Jacques de Jésus. Frère Philippe Hugelet, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, frère Jean-Alexandre de Garidel. Bonsoir, Chantal. Alors, frère Jean-Alexandre, vous avez préparé cette retraite. Alors là, vous cumulez cette fois-ci cette retraite en ligne, parce que à la fois sur le plan technique, hein, vous êtes tout, c'est vous qui vous occupez des retraites en ligne, voilà. En général, hein, du Carmel. En général, je demande à un autre frère de prêcher ça. La retraite pour distinguer. Et là, et puis cette fois-ci, j'ai eu le plaisir de préparer à la fois le contenu. Voilà. Donc, on va en parler. Ensemble, tous ensemble, ce soir. Et c'est donc la 7e retraite en ligne proposée par les frères Carmes. Tout à fait. Nous commençons la 4e année. Nous avons commencé l'avant 2011, la première retraite qui était donc avec Edith Stein. Mm-hmm. Et puis, donc nous proposons deux retraites par an, lors de l'avant et lors du carême. Nous avons fait trois cycles liturgiques. Et donc, nous commençons cette 7e retraite avec une figure un peu nouvelle qui est le Père Jacques. Le fonctionnement des retraites en ligne est toujours le même. Hein. L'idée, c'est de profiter d'un temps liturgique particulier, donc l'Avent et puis le Carême, pour se préparer à la fois à Noël et à Pâques, et de cheminer avec un saint du Carmel, une figure du Carmel plus ou moins connue. Donc nous avons fait des retraites deux fois avec la petite Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila une fois, et puis on aura l'année prochaine, en Carême 2015, Sainte Thérèse d'Avila, on en reparlera. Saint Jean de la Croix, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, et puis voilà, c'est ça. Voilà, et puis cette fois-ci, cette figure du Père Jacques. Donc, le principe des retraites en ligne, en fait, c'est un fonctionnement par email essentiellement. On reçoit donc une introduction à la retraite quelques jours avant le début de la période liturgique. Là, concrètement, ça sera le mercredi 26 novembre. Où les internautes qui sont inscrits recevront un email avec la biographie du Père Jacques, une introduction à la retraite. Et puis ensuite, chaque vendredi de l'Avent, un contenu qui part de l'évangile du dimanche de l'Avent, une méditation à la fois sur l'évangile et sur des textes du Père Jacques. Et puis, suite à cette méditation, articulée en fait sur trois pistes de prière au cours de la semaine, il y a en plus ce qu'on appelle un calendrier de l'Avent. Donc, pour chaque jour de la semaine, une phrase du Père Jacques liée à une parole de l'évangile, une parole de la Bible, et puis une image. Donc, je vous donne les quatre étapes qu'on va suivre au cours de l'Avent pour voilà, que ces quatre étapes. Les auditeurs se fassent une idée. Donc, le titre de la retraite, vous l'avez donné, « Devenir lumière dans la nuit » avec le Père Jacques de Jésus. Cette idée de la lumière est liée intimement à la trajectoire du Père Jacques qui rayonne de lumière dans la nuit des camps de concentration. On aura l'occasion d'en parler en détail. Donc, la première semaine s'appellera « Veiller pour renaître ». Entrer dans l'attitude de la veille. Oui, veiller, oui. Puisque la citation principale du Père Jacques retenue pour la retraite est celle-ci, écrite en 1938. « Je crois que nous vivons un temps où il est très indiqué de veiller. » Ce serait un peu le point de départ. Oui. Veiller pour renaître, première semaine. Deuxième semaine, venir à la lumière. Mm-hmm. C'est la thématique de la lumière. Troisième dimanche, qui est le dimanche de la joie, discerner la vraie joie, pas n'importe quelle joie. Mm-hmm. Et enfin, quatrième dimanche, qui évoque la transfiguration, on va dire, dans la nuit du Père Jacques, rayonner dans la nuit. Et puis, il y aura un message spécifique pour Noël, autour de l'amitié de Dieu. Donc, l'idée un peu des retraites avec le Carmel, c'est à chaque fois de proposer un chemin pédagogique, un chemin spirituel, avec un saint du Carmel, pour non pas faire une multiplication de messages, mais vraiment permettre une expérience spirituelle, un chemin avec Dieu éclairé par une figure. Comme dans une retraite classique. Tout à fait. Alors, on n'est pas dans un cadre, chacun est chez soi, mais on peut être nourri de l'intérieur à travers des textes spirituels qui sont d'une grande richesse. Je crois que la force particulière du Père Jacques est que, historiquement, il est proche de nous. Et oui, puisqu'on, bien sûr. On va fêter 70 ans, les 70 ans de sa mort le 2 juin 2015. Donc il a un langage, il est français déjà, il a un langage qui est très proche. On n'a pas besoin beaucoup d'introduire, de préciser ses textes, comme c'est le cas souvent avec d'autres saints du Carmel, où il faut mettre des notes de bas de page, des contextes. Vous êtes au 16e siècle en Espagne chez Thérèse d'Avila, c'est plus compliqué. Le Père Jacques, on met le texte et pouf, ça parle tout de suite. Et comme il a un discours qui est en général assez, assez percutant, ça se passe de commentaires. Voilà, donc on peut donner peut-être, parce que les inscriptions sont tout juste commencées. Voilà, elles sont ouvertes depuis le début de la semaine. Alors on peut donner le site. Donc ça se passe sur notre site internet, donc www.carme au pluriel, carmes-paris.org. Voilà, et inscription avant 2014, on trouve la rubrique. Voilà, juste à droite, il y a un petit formulaire d'inscription qui explique comment ça se passe. Donc lors de la retraite de Carême, il y avait 7300 inscrits. Et puis on a su par notre frère Radir, qui est donc prieur à Bagdad, qu'il y avait aussi 3000 personnes au Moyen-Orient qui suivaient cette retraite. Donc ça fait quand même... Ouais. Depuis 3 ans, il y a tout un chemin. Et bon, la quantité n'est pas une valeur en soi, mais en tout cas, on a beaucoup de retours de retraitants qui nous disent merci, parce que beaucoup de personnes qui sont seules souvent et qui se sentent isolées au niveau ecclésial, par exemple à la campagne, ou qui ne peuvent pas se déplacer et qui vivent vraiment quelque chose avec le Seigneur. Bien et ça, sûr. Pour nous, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Ça même nourrit, si c'était que pour quelques personnes. Ouais. C'est-à-dire que ces personnes-là sont touchées, elles vivent une expérience spirituelle. Bon, ben nous, on fait, en tant que Carme, on fait notre travail. Ben voilà, chacun fait son travail. On transmet le charisme. Et puis le Seigneur, voilà, touche les cœurs. Le Seigneur fait le reste. Fait le reste. L'essentiel, oui. Alors, frère Philippe Hugelet, vous êtes prieur du couvent de Lisieux, hein, parce c'est que cela, oui. Nous nous étions connus, c'était le siècle dernier. Voilà, oui. Voilà. Donc, et vous êtes vice-postulateur de la cause de béatification du Père Jacques, une grande figure du Carmel, même si elle n'est pas peut-être encore très connue du public, en tout cas. Elle reste, bien sûr, elle est moins connue que ceux qui ont été déjà canonisés, mais elle a profondément marqué ceux qui l'ont connue et la génération de ceux qui ont bénéficié, même après sa mort, de l'éducation que donnait le petit collège d'Avon, puisqu'il en avait été le fondateur en 1934. Aussi parce que jusqu'à nos jours encore, il y a bien sûr aussi les témoignages de grâce, grâce à la prière que des fidèles, des chrétiens ou d'autres lui adressent, des grâces parfois de guérison, nous en avons plusieurs témoignages, mais surtout aussi des grâces au plan de l'éducation d'enfants, de parents qui ont des difficultés avec leurs enfants, souvent des grâces spirituelles. Donc, il y a cette présence aussi à travers le rayonnement et l'attribution de, par l'intercession du Père Jacques de grâce que le Seigneur donne à ceux qui se tournent vers le Seigneur en implorant son intercession, sa prière. Il y a aussi le fait que jusqu'à nos jours, chaque année, il y a des célébrations auprès de sa tombe à Avon, lors de la journée des déportés, avec la présence aussi de la communauté israélite, parce qu'il a été également un grand témoin, juste parmi les nations, avant que, s'il plaît à Dieu, l'Église le reconnaisse comme une figure de sainteté, le peuple d'Israël, l'État d'Israël l'a déjà reconnu comme juste parmi les nations. Parmi les nations. Voilà. C'est le monument qui est en Israël, là, qui commémore Yad Vashem. Il a son arbre et son nom qui figure parmi beaucoup d'autres, bien sûr, de ceux qui sont des justes parmi les nations. Reconnus comme ayant eu le courage de venir au secours des Juifs persécutés. Il y a le film Au revoir les enfants de Louis Malle qui a un petit peu fait connaître la figure du Père Jacques de manière médiatique. Au revoir les enfants, puisque c'est la dernière parole qu'il a prononcé, enfin, quand il est parti, déporté. Lors de son arrestation. Et Louis Malle ayant été un élève du petit collège avec son frère quelques années. Donc, il a vécu cette arrestation et ce moment donc, de la vie du Père Jacques. Ce sont donc des souvenirs cinématographique, évidemment, il y a toujours la distance du récit cinématographique au récit historique, et il s'intéresse moins à la figure du Père Jacques qu'à l'amitié qu'il a liée à l'un des trois enfants juifs qui ont été arrêtés en même temps que le Père Jacques. Mais cela reste un film qui a fait, qui a permis de reparler du Père Jacques, qui dans le film s'appelle Père Jean. Une biographie une autobiographie cinématographique. Oui, c'est ça, mais c'est bien cette figure-là qui c'est la figure qui a été... Alors justement, la Providence a voulu rapprocher, entre hier et aujourd'hui, deux grandes figures du Carmel, Edith Stein et puis donc le Père Jacques de Jésus. Hier, c'était Éric de Rus qui est venu nous parler. De la vision éducative, justement, d'Edith Stein. Alors, Père Jacques de Jésus, donc, et Edith Stein, deux contemporains appartenant à la même famille spirituelle, deux éducateurs. Et puis deux destinées, ou plutôt deux libertés, qui s'inscrivent dans la même histoire tragique du XXe siècle. On peut dire que... Tout à fait. Deux figures qui ne se sont pas connues, ni rencontrées. Non, ils ne se sont pas... Non. Encore que lorsqu'Edith Stein est venue à Juvisy, elle aurait pu faire la connaissance en passant ou entendre parler de ce Père Jacques de Jésus, était directeur du petit collège et qui l'a employé déjà bien des méthodes éducatives. À la liberté, justement, on en parlait. L'éducation à la liberté et projet de sainteté. De sainteté, voilà. Mais donc, ils avaient des visions... En avance sur leur temps. À la fois au niveau pédagogique, au niveau théologique. Parce que c'est une éducation qui va jusqu'au bout, quoi. Alors, donc, puisqu'on va peut-être traverser suivre plutôt les pas du Père Jacques dans les différentes étapes de sa vie. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le plus simple pour faire connaissance avec lui. Pour faire connaissance. Peut-être simplement, je me disais, rappeler peut-être sa fin pour comprendre un petit peu, avant de voir d'où il vient. Oui, c'est ça. Rappeler peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Pas du tout, oui. Donc, rapidement, le Père Jacques est donc né en 1900, qu'il est mort en 1945. Donc 45 ans. Et qu'il a, je dirais, son rayonnement s'est particulièrement étoffé, même si on va voir qu'il est progressif. Après son arrestation, donc le 15 janvier 1944 à Avon, parce qu'il était à la fois engagé dans la résistance, et donc il avait caché trois enfants juifs, qu'il a été dénoncé à la Gestapo. Et dans les camps de concentration, où il a été envoyé à Mauthausen, c'est vraiment là qu'il a eu un rayonnement absolument marquant pour ceux qui ont été ses camarades de déportation. Et donc, il n'est pas mort dans les camps, mais il est mort ensuite, après sa libération, du fait de tout le don de lui-même dans les camps et d'épuisement. Donc, c'est de cet homme dont on parle. Et justement, on va voir, en repartant de cette personnalité de Lucien Bunel, parce que tel était son nom civil de baptême, voir comment il en arrivait là, à ce rayonnement dans la nuit, qui s'était... très impressionnant, mais il y a tout un itinéraire derrière, et c'est ça qui nous intéresse, et c'est ça qu'on va chercher à montrer dans La Retraite, comment un homme à une forte personnalité arrive à se laisser façonner par le Seigneur, par la grâce, pour petit à petit arriver à prendre toute sa place. Jusqu'au don total de lui-même. Parce que c'est vraiment un don, don de sa vie. Tout à fait. Radicalité. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il peut dire ça aussi. Tout à fait. Alors, frère Philippe Hugelet... Pas de rédemption sans effusion de sang. C'est sa parole. C'est au fond, c'est la parole de la lettre aux Hébreux qui va marquer le don et la découverte du sacerdoce et le don de lui-même. Donc, voilà. C'est donc une participation à cet amour sauveur. Alors, il faut se rappeler que tout son ministère se déroule aussi pratiquement sous la papauté de Pie XI, avec cette volonté christocentrique du pape Pie XI de reconduire au Christ rédempteur et de faire rayonner cette rédemption sur le monde, alors qu'il voit s'accumuler la terreur des différents nazis ou des régimes des totalitarismes et qu'il est affronté en Italie même au régime fasciste. Alors toute l'œuvre apostolique du Père Jacques est aussi une œuvre qui s'inscrit dans un amour du Christ et dans le désir de rayonner le Christ, sauveur. Oui. Alors justement, comment tout cela a commencé? Donc le frère Jean-Alexandre nous disait qu'il est né en 1900, dans un petit village de Normandie. Il est né à une vingtaine de kilomètres de Rouen. C'est un Normand, à Barentin. Il y a d'ailleurs une statue devant l'église de Barentin, inaugurée en 1946, à Lucien Bunel, dans une famille ouvrière. Son père est ouvrier de filature et sera contremaître dans ces différentes usines textiles de cette région. Les parents déménageront plusieurs fois durant l'enfance du père Jacques. Les sept enfants, il y en a huit, mais il y a une petite fille, la deuxième, qui mourra à 4 mois. Mais ensuite, il y a le père Jacques et le quatrième enfant. Et il y aura encore trois garçons. Il y aura sept enfants en tout, six garçons et une fille, Madeleine. D'accord. Voilà. Et une famille où les deux parents commencent les premières années à travailler jusqu'à la mort de la petite fille. Madame Bunel travaille également et elle va s'arrêter de travailler. Et cette famille nombreuse, alors qu'il n'existe ni les allocations familiales, ni le congé payé, ni rien, n'est-ce pas, va vivre dans une grande pauvreté, pas dans la misère, mais dans une vraie pauvreté, du seul salaire d'Alfred Bunel, le papa de Lucien Bunel, qui gagne quelques 3,50 francs de l'époque par jour. Donc une famille qui sait vivre dans la pauvreté. Alors on va poursuivre dans quelques instants. Vous nous avez amené quelques musiques, du Carmel surtout. Et c'est tout de suite, on pense à... Il était proche de la petite Thérèse ? Il découvre la petite Thérèse en 1914 avec l'histoire d'une âme. À 14 ans, donc. À 14 ans, oui. Alors, c'est Sœur Thérèse, bien sûr. C'est Sœur Thérèse, bien sûr. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais il va mieux la connaître ensuite lorsque, au Havre, il connaîtra le Carmel, plus particulièrement les Carmélites du Havre. C'est un fils, au fond, des Carmélites du Havre, pour ce qui est de sa vocation proprement carmélitaine. Car jusque-là, il ignorait qu'existent des Carmes. il savait qu'il y a des carmélites. Ah, mais oui. Ce sont les, voilà, la première rencontre avec la prieure du Carmel du Havre. Il dit, ah, malheureusement, il n'y a pas de carmélites. Mais détrompez-vous, ils sont revenus. Donc après la guerre, oui, oui, oui. En 1919, ils sont là. Et c'est ainsi qu'il fait connaissance de, voilà, de la présence des frères Carmes à Avon et à Lille ensuite. Alors on va écouter là cette et puis vous êtes donc là vous à Lisieux, prieur du couvent de Lisieux. Et on écoute l'offrande de Thérèse, extrait du CD Un chemin de confiance. Radio Notre-Dame. Je veux t'aimer, te faire aimer. L'offrande de Thérèse, eh bien, c'est chanté par les frères Carmes d'Avon. Et c'est du frère Jean Lévesque. Hein, qui est, voilà, un des frères Carmes. Oui, alors Thérèse, il est vrai que Thérèse, il l'a donc lu en 1914. Oui. Et nous avons le témoignage d'une lettre qu'il écrit à son ami Antoine Touvenin. C'est un compagnon militaire quand il a été à Montlignon, comme militaire, il a connu André Touvenin. Une grande amitié va lier ces deux jeunes gens. Et en 1921, donc, le père Jacques lui écrivait « Je me réjouis de venir dans les Vosges. Nous irons dès le matin à l'aurore aimer Dieu, le prier, nous donner à lui dans les grandes et solitaires forêts de vos Vosges. » Et un peu plus loin, il dit « Si vous n'avez pas lu la vie de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous en conseille fort la lecture. Vous y verrez vivante l'image d'une de ces toutes petites âmes, comme on est bien noir à côté de ces blanches et belles saintes. » Donc, il a voilà, ce sentiment et cette comparaison, mais en même temps, voilà, cette reconnaissance de la sainteté de celle qui n'est pas encore Sainte Thérèse, n'est pas encore vénérable, mais c'est l'ouragan de gloire, déjà, avec, bien sûr, Thérèse très présente sur le front, dans les tranchées, auprès des poilus, parmi lesquels, d'ailleurs, parmi les victimes de cette guerre, il y a le frère aîné de Jacques, de Lucien Bunel, Alfred, qui porte le même prénom que son père, le premier, qui est mort en 1917. D'accord. Tandis que André, le deuxième, lui, a également été prisonnier à Verdun, fait prisonnier donc à Verdun. Donc cette guerre, cette première guerre mondiale, où Thérèse est présente auprès de nombreux soldats, a profondément marqué aussi la vie de cette famille ouvrière. Et nous retrouvons d'ailleurs Thérèse de l'Enfant Jésus dans le camp de concentration de Gusen, Mauthausen-Gusen, un camp un peu annexe du camp de concentration de Mauthausen, près de Linz en Autriche, où il est. C'est là que nous avons le témoignage chez le père Philippe de la Trinité, qui est le premier grand auteur de la vie du père Jacques au lendemain de la guerre en 1947. Et c'est l'un des prisonniers, des compagnons, Gaston Passager, qui dit « La prière de Sainte Thérèse, c'est moi qui l'ai apprise au Père Jacques, l'offrande à l'amour. Il était lui-même sidéré que je puisse savoir toute cette prière par cœur. Je ne la savais pas depuis toujours, mais j'avais été arrêté en novembre 1941 et incarcéré à Fresnes. En cellule, j'ai eu la visite de l'abbé Stock, un prêtre luxembourgeois des missions étrangères qui était aumônier de la prison. C'était un homme admirable auquel de nombreux prisonniers ont gardé une immense reconnaissance. Il m'a donné un exemplaire de l'histoire d'une âme, de Sainte Thérèse. J'aimais beaucoup cette sainte. J'ai lu et relu son livre et j'ai appris par cœur son acte d'offrande. Cette prière est longue, mais pensez, en prison, on a tout le temps. » Et donc, ce catholique que le père Jacques apprend à connaître à Gusen, voilà, il va dire avec le père Jacques cette prière. Ils sont trois à dire ensemble tous les jours, au moment de l'appel, l'offrande à l'amour miséricordieux. C'est vraiment... Il se prépare à l'offrande. Il se prépare à vivre cette offrande. Oui, puis il y a tout ce compagnonnage de Thérèse qu'il découvre. Elle est présente, elle est déjà très présente parce que... Et n'oublions pas que le petit collège, c'est le petit collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui. Et c'est lui qui l'a fondé, donc on voit le lien. Il a été le fondateur, puisque c'est la mission qu'il a reçue peu après sa première profession de fonder ce petit collège. Oui. Je rajoute juste une lettre qu'il écrit à Mère Agnès en 1936, donc Mère Agnès, la sœur de Thérèse. Il écrit ceci donc à Mère Agnès en 1936. Que de fois je suis revenu à cette source de vie intérieure en parlant d'histoire d'une âme. C'est toute ma vie qui est encadrée par Sainte Thérèse, on vient de le voir. Ma pensée et mon action apostolique sont toutes pénétrées des enseignements et de l'esprit de la Sainte. C'est vraiment, ça le fait vivre. C'est une nourriture profonde. Thérèse lui a ouvert le Carmel, comme on verra, mais Thérèse l'accompagne de manière particulière tout au long de son itinéraire spirituel. Et jusqu'au bout, et parfois par le témoignage d'autres frères qu'il rencontre sur son chemin et qui, avec lui, donc partagent cet amour et cette présence de Thérèse. Je passerai dans la nuit, et je passerai ma vie à faire bien sur la terre. Elle était belle. Là déjà, immédiatement après, elle est intervenue pour vivre sa mission sur Terre. Alors donc, le frère Jacques de Jésus... Alors qu'il n'est encore que Lucien Bunel. Oui, il est Lucien Bunel encore, oui. Voilà. Et donc, un enfant très intelligent, vif, gouailleur, dira-t-on de lui, qui... ne manque pas de rayonner déjà dans sa famille. C'est-à-dire que c'est tout de même le point central de tous ses frères et sœurs. C'est lui qui mène le jeu, en quelque sorte. Il n'est pas l'aîné, mais au plan de la fratrie, déjà, c'est lui qui rayonne par sa vivacité. Et alors, évidemment... La naissance même de sa vocation semble remonter déjà très tôt dans son enfance, puisque un jour il dira à sa maman « Moi, j'irai pas à l'école comme Alfred, à l'école à Alfred, j'irai à l'école à Monsieur le curé, et je serai un grand, grand Monsieur le curé. » Monsieur le curé. Donc avant même qu'il aille à l'école, il y a cette image du prêtre qui semble avoir marqué et cet éveil intérieur, le mystère des chemins de Dieu dans une vie, ce désir d'être prêtre et d'être un grand, grand Monsieur le curé. curé. Un grand, grand. Un grand, voyez, grand. Hein, oui, oui, il voyait pas. Il a de l'ambition. Hein. Voilà. Bon, de grands désirs, il en faut, ça fait aussi partie du chemin de Thérèse. Ben oui, bien sûr. Bien et sûr. Les désirs, il en avait de très grands, donc tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'il a pu aller jusqu'au bout du don, enfin, aussi, on peut dire aussi. Bien sûr, ça l'a aidé. Alors, donc ça, c'est son enfance. J'ai cité un petit témoignage de sa mère pour montrer un peu la force de personnalité de Lucien. Sa maman dit ceci. « Lucien en faisait toujours trop. Il n'était pas raisonnable. Il ne savait pas s'arrêter. Je lui répétais pourtant, Lucien, quand faut pas, faut pas. » Ça, c'est les mamans. Témoignage touchant d'une maman qui met des limites, mais qui remarque déjà cette espèce de d'absolu. D'absolu. Absolu. Il va jusqu'au bout déjà. Jusqu'au bout. Et oui, c'est cela. Et puis, voilà, c'est ça. Absolu. Et d'ailleurs, quand elle lui interdisait de se lever tôt matin pour aller à la messe, elle savait bien qu'il continuait à aller. Et elle le dit elle-même, « Oh, je le laissais faire. » Mais c'était, voilà. Mais une éducation tout de même... comme ils le disent, tous les frères et sœurs en témoignent, ça a été une éducation sévère. Mais nous sommes dans un siècle, nous sommes déjà quand même très loin de ce temps. C'est la première moitié du XXe siècle. Les choses, c'est un autre monde. C'est un autre monde par rapport à Thérèse. Ce que nous même, connaissons et puis nous par aussi, rapport à Thérèse. Ah, oui, ça tout à fait. Oui, et ça, il faut prendre conscience aussi d'un monde ouvrier et où il y a une forte opposition donc entre le monde ouvrier et la bourgeoisie locale aussi. Oui, oui, oui. Bah, c'est le début du XXe siècle. C'est vraiment le XXe siècle. L'industrialisation. Alors, et où sa famille apparaît comme une famille de chrétiens. Alfred, le père, est un homme de prière lui-même. Il priait le chapelet en allant au travail, même s'il le tenait dans sa poche sans sortir le chapelet. Mais voilà, et sa maman, donc voilà, ils sont profondément chrétiens. Ancrés vraiment dans la foi. Dans la foi. Dans un milieu où déjà l'incroyance est déjà très très forte. Dans ce village de Barentin et dans cette région, avec la montée évidemment du syndicalisme et communiste, entre autres. Voilà. Voilà. Oui, donc c'est un milieu où Lucien Bunel apprend aussi à trouver ses marques. Dans un contexte qui est marqué déjà par l'athéisme. Il y a différents éclats. On verra quand il sera au petit collège d'Avon, où il sera justement avec des fils de bourgeois. Qui, pour lui, ça sera aussi un défi. Il jouera aussi de ses talents de provocateur en faisant venir, par exemple, des syndicalistes, ce qui provoquera des réactions de parents. Oui. Voilà, parce que la plupart des enfants du petit collège étaient des enfants de riches industriels du Nord. Ah oui. Voilà, et le père Jacques, ayant son être, je dirais, de fils d'ouvrier... Marqué par ça, et c'est très intéressant dans son chemin. Marqué par son histoire et en même temps avec la liberté qui lui est donnée au niveau social. Et monsieur le curé, pour lui, c'est le prédicateur. On le découvre, épisode qui est raconté, n'est-ce pas, dans les souvenirs d'enfance de ses frères et sœurs et de sa maman. Il disparaît, puis au grenier, on découvre un petit Lucien Bunel en train de prêcher. Il faut bien que j'apprenne mon métier. Il est prédicateur dès son enfance et il sera effectivement dans ses premières années de prêtre au Havre parmi les prédicateurs diocésains. Il sera bien. Et là, effectivement, dans sa prédication de jeune prêtre, il mettra souvent, comme dira le curé, les pieds dans le plat. dans le plat. Et parfois provoquant quelques remous parmi les fidèles. Qu'il ne voulait pas entendre parler politique ou qu'il pensait que c'était un curé rouge. c'était aussi cela. Militant la force idéologique, les idéologies sont très fortes, mais lui-même ne s'inscrit pas dans cette ligne idéologique. Non. Il annonce l'évangile, son rêve de curé, de prêtre, de donner Dieu et le Christ aux ouvriers, au monde ouvrier. C'est peut-être ça aussi qui fera qu'il sera... au moment de la résistance, très apprécié aussi du maire communiste, je crois. Non, à travers les réseaux de résistance, il sera amené à fréquenter des communistes. Oui, certain nombre de témoignages de résistants communistes, appréciant le père Jacques comme homme. Je me souviens de cette parole. À cette eau-là, moi aussi, je bois. Oui c'est cela. Oui, c'est Monsieur Ouzoulias, qui était un des chefs des FTP à l'époque, et qui, dans le film, Les enfants du Père Jacques. Les enfants du Père Jacques donne son témoignage. Oui, c'est cela. Et bien sûr, dans le camp, nous en parlerons plus tard un peu, dans le camp de Gusen, il y a deux grands ensembles de résistants, ce sont les catholiques et les communistes. Voilà. Donc ils se retrouvent aussi dans une solidarité, dans un système de solidarité au sein de ce monde concentrationnaire où, parmi ceux qui résistent et qui tiennent debout, il y a ceux qui ont cet idéal communiste. La rose et le réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Mais c'est même solidarité. C'est une solidarité dans l'épreuve et dans la résistance contre la barbarie et tout ce qui peut avilir l'homme. Voilà, c'est ainsi qu'il est. Donc on voit cette figure, cette âme de feu, déjà enfant, ça se marque très bien. Alors ça, c'est cette enfance, sa communion, enfin il y a eu... La première communion, il n'y a pas vraiment. Il y a des photos, il y a une photo du communiant, mais il n'y a pas de témoignage. La plupart des témoignages qu'il y a, c'est à propos de sa forte personnalité. Oui. Je vous citer un passage qui est assez évocateur. Alors, c'est déjà quand il est entré au petit séminaire. À Au Havre, le petit séminaire. Oui, c'est ça. Rouen. À Rouen. Oui, c'est que l'arche. C'est ça, Rouen. Le diocèse est celui de Rouen. Comme le Père Jacques est un leader, comme on dirait aujourd'hui, est un leader, il prend souvent la responsabilité, on dirait, de délégué de classe. Donc, il y a cette petite histoire que je raconte, qui est racontée par un de ses collègues. Les élèves du séminaire ne veulent plus d'un professeur. Pour sa fête, on ne fera donc pas de compliments, comme c'était coutume de le faire. Le supérieur appelle Bunel. Bunel, vous ferez un compliment, comme un ordre. Non, monsieur le supérieur, les élèves ne le veulent pas. Réponse. Bunel, je vous ordonne de faire un compliment. Bien, monsieur le supérieur, je le ferai, dit-il. Bunel le rédigea et l'apporta au supérieur pour la censure. Celui-ci put lire en tête de la copie. Monsieur le supérieur m'ayant formellement ordonné de faire un compliment, point de suspension. Réponse du supérieur, Bunel, vous avez une tête dure comme le mur. Et Bunel de répliquer, le mur a sa grandeur. Voilà. Oui, le mur a certainement sa grandeur. Et l'un de ses camarades du petit séminaire disait de lui effectivement qu'il était un peu brouillé avec la vertu de prudence, sans doute. Mais il devait, alors il aurait normalement dû mal tourner, c'est l'avis de ce camarade du séminaire. Mais empoigné par la grâce, il allait dès la seconde, donc à 16 ans, 15-16 ans, il va commencer une divine ascension. C'est là où il y a une prise de conscience. Oui, 15-16 ans. 1914, la lecture de l'histoire d'une âme. Ah oui, comme il le dit dans une lettre à Mère Agnès, « Je puisais là tant de lumière et de force que cela sauva ma vocation à travers les bouleversements et les dangers moraux créés par la guerre. » Car il faut nous souvenir que 1917, la mort du fils aîné, du frère aîné, c'est tout ce contexte de souffrance de la famille, de bouleversement de la guerre qui marque ce jeune adolescent, ce jeune homme. En plus, avec l'entrée au petit séminaire, déjà la confrontation avec un monde social très différent, où il apparaît comme un peu une exception, comme fils d'ouvrier parmi des séminaristes. Il n'y avait pas beaucoup de la même origine sociale. Ce même témoignage dit juste avant, parce que je trouve que c'est l'expression, l'image est forte, c'était un type à la Rimbaud ou à la Charles de Foucault, un risque tout fait pour les abîmes ou pour les sommets. Cette espèce d'absolu, mais qui peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Oui, c'est ça, c'est l'absolu, quoi. Merci à tous les deux. On va écouter un autre titre, cette fois-ci, c'est avec Jean de la Croix, et c'est El Pastorcito, c'est ça ? Pastorcito, le pastoureau. Pastorcito. Belle poésie de Jean de la Croix. Le pastoureau de Jean de la Croix. En espagnol. C'est en espagnol, cette fois-ci. C'est évocateur de la passion de Jésus, de l'amour sauveur. C'est ça, le... Et voilà, cela peut introduire fort bien à cet amour pastoral qui va marquer la charité pastorale du jeune prêtre, du séminariste et du jeune prêtre que devient Lucien Bunel. À partir de 1912 au petit séminaire et puis 1919 au grand séminaire. On écoute le pastoureau, donc en espagnol, le pastoureau de Jean de la Croix. Radio Notre-Dame. Thank you. Pastoureau, donc en espagnol, Pastoureau de Jean de la Croix. On est dans le bain du Carmel avec nos deux invités, nos deux frères Carmes, le frère Philippe Hugelet du prière du couvent de Lisieux et qui est donc le vice-postulateur de la cause de béatification du Père Jacques, et le frère Jean-Alexandre de Garidel qui est du couvent de Paris, qui a préparé cette retraite en ligne. Alors peut-être pour donner l'adresse du site internet pour s'inscrire. Donc www.carmes-paris.org, où vous trouverez donc un formulaire d'inscription pour vous inscrire avant le 26 novembre, puisque la retraite commence le 26 novembre, en laissant simplement votre prénom, votre nom et votre email. Voilà, donc... Lucien Bunel, donc 1945, hein, voilà, ce sont les dates. Là, on évoquait, pris entre ces deux guerres, où il a perdu son frère aîné. Dans la Première Guerre mondiale. Oui. Alors, il est séminariste. Hein. Oui. Donc, il est entré au séminaire, non sans difficulté, parce que la grande difficulté, c'était de payer ses études. Il faut trouver des bienfaiteurs qui veuillent bien contribuer, la famille n'étant pas en mesure. Deux problèmes pour les parents. D'une part, un problème de justice, parce que les frères et les autres travaillent dès 12 ans, dès 11 ans. Ils ne continuent pas les études. Et un véritable problème financier que des amis vont pouvoir, auxquelles vont répondre des amis, notamment grâce à une petite sœur qui s'appelle Sœur Marthe, qui va intercéder auprès du patron d'Alfred Bunel, Monsieur Badin, qui va prendre en charge les frais du grand séminaire de Lucien. Donc là, il y a, non plus une lutte des classes, mais une solidarité, un partage, une solidarité. C'est très beau, oui. Et Lucien, une fois devenu prêtre, dans son bréviaire, notera parmi ceux pour lesquels il prie chaque jour, après ses parents, la famille Badin, ses bienfaiteurs, qui va porter dans la prière tout au long de sa vie. Alors, au séminaire, effectivement, il y entre en 1912. C'est interrompu en 1922 par le 1919-1920 par le service militaire pendant deux ans, plus exactement, en 1922. Et il reprend ensuite le séminaire. Alors, service militaire, c'est très important pour lui aussi, parce que c'est là qu'il va rencontrer ce monde très différent d'un croyant, et où il va tout de suite marquer sa place, puisque dans la chambrée, au milieu du brouhaha, ses camarades le voient se mettre à genoux auprès de son lit et prier. Alors, les premières fois, le bruit, quelques expressions insolentes, quelques moqueries, et très vite, par l'amitié et par le respect, ses camarades de chambrée, quand ils voient Lucien s'agenouiller et prier, baissent la voix ou même se taisent. Voilà, le respect. Et ce rayonnement sera tellement grand que lorsqu'il quitte le service militaire, toute la chambrée, tous ceux dont il était responsable comme sergent-chef, vont l'accompagner à la gare et vont, tiennent vraiment à le remercier. Donc une grande vénération parce que, à travers aussi son travail de sous-officier, il a pu les aider de multiples manières à faire face à leurs propres problèmes et à leurs difficultés. Donc, un rayonnement qui demeure après la guerre, jusqu'à nos jours. Et parmi les témoins du procès, il y a aussi des habitants de Montlignon. Saint-Éloise. Qui ont gardé le souvenir vivant de ce Lucien Bunel, soldat. Et donc, séminariste et soldat. Près de Montmorency, Aubonne, je crois. Et donc, et il va poursuivre séminaire sa formation jusqu'à l'engagement du sous-diaconat en 1924. Et là, il fait une retraite. Et la veille, alors le sous-diaconat qui n'existe plus de nos jours, c'était vraiment l'engagement où on s'engageait au célibat et c'était vraiment le grand vécu comme l'engagement de consécration en quelque sorte, première consécration, premier pas vers le sacerdoce. Et voilà comment durant sa retraite, il écrit cette magnifique offrande au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en présence de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, des anges et de tous les saints, particulièrement mes saints patrons Louis, Lucien, Étienne, Bernard et Benoît, je, sous-signé Lucien Louis Bunel, me donne aujourd'hui librement, joyeusement et irrévocablement à la très sainte et très auguste Trinité par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur le style et de l'époque, avec des grands adjectifs que peut-être nous employons moins de nos jours. Pleinement conscient de ce que je fais, ayant mûrement examiné toutes les obligations qui découlaient pour moi de cet acte, je me consacre pour l'éternité au service du bon Dieu. Je lui donne mon corps avec toutes ses énergies, sans faire la moindre réserve de quoi que ce soit. Je lui donne mon âme avec toutes ses puissances et toutes ses facultés. En un mot, je me donne tout entier, ne désirant qu'une chose, que ma vie soit désormais un encens montant perpétuellement vers Dieu pour lui plaire. Mais je suis pleinement conscient aussi de ma faiblesse, et là nous trouvons le mouvement même de l'offrande de la petite Thérèse. Seul, je ne puis que pécher, j'attends donc tout de la bonté du bon Dieu. Je me donne à lui, mais pour que lui-même me travaille, et me rende tel qu'il me veut et me porte dans sa pensée depuis l'éternité. Donc tel qu'il me veut. Voilà, cette conformité à la volonté de Dieu. Oh mon Dieu, ce sont des traits de flamme qu'il faudrait transcrire sur ce papier pour traduire le feu de mes sentiments. Il est vraiment flambeau, hein, il flamme comme Jean Cayrol le dessinera et le chantera dans ses poésies. Tu vois et tu sais avec quelle ardeur je te désire, avec quelle passion j'aspire à te posséder, à te saisir, à t'étreindre. Ô mon Dieu, agis toi-même en moi, consume-moi dans ton amour infini, en me prenant et en m'absorbant en toi, que ce jour béni du samedi 12 juillet 1924 soit vraiment une étape dans ma vie d'union avec toi. Mmh. Voilà, ça, ce sont les dispositions vraiment profondes, hein, de tout son être, travaillées par ce travail intérieur et déjà par ce sens de l'absolu qui a marqué sa formation au séminaire. Hein, parce qu'il y a là eu tout un travail intérieur qui le prépare à cette offrande de lui-même. Hein. D'ailleurs, il prend comme résolution, pendant cette même retraite, parmi ses résolutions, hein, alors, entre autres, toujours me lever de bonne heure avant 5h30. Mmh. Voilà, bon. Quand même. Mais la première est plus importante parce que c'est l'essence même de son engagement. Vivre le plus possible une vie d'union intime au bon Dieu, une vie de silence et de recueillement, même si je suis dans le ministère, pendant quelque temps, sans jamais sacrifier mon devoir d'État, cependant à mon besoin de solitude. Alors là, c'est l'écho de ce qui le travaille déjà dans ces années de formation, c'est-à-dire ce double mouvement un peu paradoxal de désir de solitude, de vivre pour le Seigneur et de le servir, et ce grand désir de solitude qu'il identifie dans un premier temps à la vocation de la trappe. Il va, pendant son service militaire à la trappe de Soligny, la grande trappe, faire des retraites, et en 22-23-24, chaque année, un mois à la trappe de Notre-Dame du Port de Salut, en Mayenne. Voilà. Et le père Abbé, d'ailleurs, écrit que lorsqu'il voudra, il l'accueillera parmi ses novices avec grande joie. Donc il était accueilli là aussi à la trappe. Alors, quand Madame Bunel apprend que son fils, alors il lui écrit après un pèlerinage à Ars en 1921, donc quand il est militaire, apprend qu'il veut aller à la trappe, elle fait avec son mari, je crois, ils vont ensemble ou seuls. Il y a deux témoignages, mais le frère dit que c'est les deux. À Montlignon, hein, pour lui dire non, tu ne peux pas entrer à la trappe, je viens de perdre mon fils, l'autre vient de se marier. Voilà, elle ne veut pas que son fils entre à la trappe. Mmh. Donc il y a là une opposition très nette de la maman, et le ton monte parce que voilà, ce sont des êtres de feu l'un et l'autre. Et heureusement, la grand-mère qui est là, une grand-mère amie du soldat Bunel, calme les deux en disant de toute façon, vous n'êtes même pas encore à la fin de votre service militaire. Oui. Vous aurez bien le temps d'y penser et le bon Dieu vous dira ce qu'il attend de vous. Ben voilà. Voilà. Mais voilà. La sagesse. La sagesse qui apaise les uns et les autres. Bien mais sûr. Il y a une volonté déjà. Alors c'est ce qui apparaît aussi chez le père Jacques, enfin chez Lucien déjà, une forte volonté. Quand il décide, il est difficile de le faire changer d'avis. Voilà. Ou de le faire entrer. En même temps, une grande disponibilité, mais avec une force de décision qui fera aussi sa force, dans sa vie. Mais la confrontation et la recherche de la volonté de Dieu sera douloureuse souvent dans son parcours. Oui. Parce que ça ne correspondait pas à ce que... Voilà, C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, lorsqu'il décidera ou lorsqu'il désirera d'entrer au Carmel, il y aura une longue attente. Là aussi, la patience. 1928 à 1931, pour avoir l'autorisation d'y entrer. L'archevêque, dans un premier temps, ne veut pas lui donner le laisser partir. Donc là, il est... sous-diacre. Oui. Il se prépare donc à la prêtrise dans le diocésain. Il sera prêtre diocésain en 1925, donc le 11 juillet. Donc nous sommes une année sainte, 1925. Oui. Nous sommes aussi peu de temps après la canonisation de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, le 17 mai, cette même année. Et il devient prêtre, il est ordonné. Et depuis un an, il est déjà au Havre, avant même de finir ses études au séminaire de Rouen, les supérieurs le nomment surveillant, puis professeur à l'institution Saint-Joseph du Havre, un collège diocésain. Déjà un collège, c'est ça. Et ça où il va effectivement manifester ses grandes vertus pédagogiques. C'est là que ça se manifeste. Dans les patronages, toute la... toute la dimension pédagogique, la vertu, le charisme d'éducateur du père Jacques éclate déjà bien avant, durant toutes ces années de jeunesse, par son action dans les paroisses auprès des jeunes et des enfants. Et ça, c'est vraiment un charisme auprès de la jeunesse, d'éducateur. Tout à fait. Et d'un grand éducateur, vraiment une éducation vraiment à la transcendance, à conduire une âme à la sainteté. Oui, ce sera le choix qu'il déterminera verra, toujours. Voilà, oui, petit collège, il va le dire explicitement. D'accord. Voilà, il va l'expliciter peu à peu. Mais en même temps, c'est dans cette période-là qu'on voit aussi cette tension intérieure qu'évoquait le père Philippe, entre ce désir de se donner et de manière concrète auprès des jeunes au Havre à travers l'éducation, et puis en même temps ce désir de la solitude et de la prière qui le divise intérieurement. Ça fait une espèce d'expérience de déchirement intérieur telle que différemment, mais Sainte Thérèse d'Avila a pu expérimenter elle-même, étant moniale en incarnation, avec cet appel de Dieu et en même temps ce désir aussi de parler dans les parloirs. Il y a à harmoniser les deux. Je peux citer un témoignage de la prière du Carmel du Havre. Dans quelques instants. Voilà, dans quelques instants peut-être, parce qu'on va être coupé. Alors donc je préfère à tout de suite après, on se retrouve tout de suite après 23h. Radio Notre-Dame, parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 9h15 et 19h50. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque de France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 9h15 et 19h50 sur Radio Notre-Dame. Après le succès d'Oura, ils reviennent pour vous faire vivre une aventure unique et hors du temps. Malka. Malka, c'est la vie d'un enfant, simple berger qui triompha de Goliath. Malka, c'est l'histoire d'un roi, poète, musicien et bâtisseur. C'est la force du guerrier et la faiblesse de l'homme. Malka, la vie du roi David dans une fresque musicale de plus de 1000 ans à voir en famille absolument. Rendez-vous les 10 et 11 janvier 2015 au Palais des Congrès de Paris et sur malka.fr. Chaque matin, nourrissez-vous de la parole de Dieu et attaquez sereinement votre journée. L'évangile du jour, lu et commenté avec profondeur, c'est chaque matin à 6h26, 7h26 et 8h26 sur Radio Notre-Dame. Dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. En compagnie ce soir de nos deux frères Carmes, le frère Jean-Alexandre de Garidel qui du couvent de Paris, et puis le frère Philippe Hugelet du prieur du couvent de Lisieux, autour de la figure et vice-postulateur de la cause de béatification du père Jacques de Jésus. Donc, c'est le point central, puisque cette retraite en ligne que vous avez préparée, frère Jean-Alexandre, est donc autour de cette figure du père Jacques de Jésus. Et ça, à l'occasion, c'est le 70e anniversaire, c'est ça, de sa mort. 2 juin 2015. Oui, 2 juin 2015. L'année dernière, le 15 janvier 2014, on a fêté 70 ans de son arrestation à Avon, la fameuse citation « Au revoir les enfants », 15 janvier 2014. Et donc le 2 juin 2015, on fêtera les 70 ans de sa mort, 2 juin 45. D'accord, Avon, voilà, pour situer. Donc vous, voilà. On était juste avant la pause, on parlait de cette tension. On parlait donc la tension un petit peu du séminariste qui vient d'être ordonné, donc Soudia, qui se prépare au sacerdoce et qui sentait en lui cette espèce de double appel à la fois à se donner, et notamment dans le travail qu'il faisait à Saint-Joseph au Havre, et en même temps cet appel à la prière et à la solitude. Et la prieure de l'époque du Carmel du Havre citait quelques paroles de Lucien Bunel, que je reprends maintenant. « Ah, disait-il, c'est bien là pour moi l'idéal de la vie religieuse, donc ça le travaille, hein, vivre en solitude avec Dieu, dans un contact intime avec lui, donc cette dimension contemplative, puis quitter son cloître pour aller le porter aux âmes, le faire connaître et aimer, et revenir ensuite se plonger dans la retraite afin de se retremper dans l'oraison, c'est là ce qui m'attire. » Voilà. Et en fait, c'est une espèce de tension en lui parce que concrètement, la trappe, c'est une vie monastique. Mmh. C'est une vie monastique. C'est ça. Voilà. Et puis de l'autre côté, c'est la vie de prêtre en paroisse avec une dimension de prière qui est quand même marginale. Et ne connaissant pas. Marginale, je dirais pas, mais après. Voilà. Enfin, en tout cas, dans la façon dont il l'appréhende. Oui, c'est peut-être. Ça. Oui. Mais et évidemment, l'autre. Oui, il est aussi absolu dans sa vie de ministre et de prêtre. Hein, et voilà ce qu'il disait, par exemple, dans un sermon de 1927 dans une paroisse ouvrière de la région du Havre, ou enfin en tout cas de la région de Normandie, où il était sollicité dans de nombreuses paroisses missionnaire diocésain. « Mon rêve de fils du peuple devenu prêtre » fils du peuple devenu prêtre, le beau rêve de toute ma vie sacerdotale serait de jeter à Jésus des masses ouvrières, de ramener à Dieu le pauvre peuple du travail, d'éclairer tout ce monde des petits et des humbles que troublent des doctrines de haine et que trompent des hommes sans foi. Ah, mes frères de pauvreté, amenez donc pendant ces jours un triduum d'adoration perpétuelle, des amis, des parents, des voisins. Dites autour de vous que c'est un prêtre du peuple qui s'en vient parler à d'autres fils du peuple. Ah, vous voyez, c'est une identité très forte, de marquer son identité sociale et en même temps, voilà, les amener à Jésus. Voilà, alors c'est cette tension entre ces deux pôles d'apôtres et de contemplatif, car dès sa jeunesse, dès son enfance, c'est aussi un petit garçon qui prie, qui a frappé son curé à Barentin par sa grâce de recueillement déjà enfant. Voilà. Alors les deux, comment les allier? Eh bien, c'est la découverte du Carmel qui va lui permettre de faire la synthèse ou d'unifier son être dans ce double désir. Parce que soudain, la trappe lui apparaît comme ne lui permettant pas de poursuivre notamment ce qu'il réussit fort bien. C'est l'éducation. L'éducation d'une part et la prédication. Et la prédication surtout. Alors, l'éducation, il va, en choisissant le Carmel, considérer et penser qu'il y met une croix, n'est-ce pas? Voilà, les circonstances le conduiront et les secrets de Dieu sont ainsi faits que bon. En fait, il va quand même unifier les deux et même les trois aspects de cette personnalité, prédicateur, éducateur et contemplatif. Le moine. On va écouter tout de suite, c'est Vuestra, alors c'est une parole de Thérèse d'Avila. Vuestra soy para vos nací, vous savez que cette année, depuis le 15 octobre, on fête le cinquième centenaire de la naissance de Sainte Thérèse d'Avila. Un des grands poèmes de Sainte Thérèse est celui-ci en espagnol. « Je suis à vous, je suis né pour vous, qu'attendez-vous de moi ?» qui est une belle prière adressée à Dieu et qu'on va écouter en espagnol. Para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues vos me criasteis, vuestra soy, pues me redimisteis, vuestra, pues me llamasteis y esperasteis, ¿qué mandáis hacer de mí? El corazón, mi cuerpo, mi vida y mi alma, vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dad vida dulce o dadme sol sin velo, ¿qué mandáis hacer de mí? Si vos queréis, dadme oración, si no, dadme gran sequedad, si abundancia o esterilidad, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme pues gran sabiduría, o por amor, dadme ignorancia, dadme abundancia o hambre y carestía, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme la muerte o dadme vida, dadme salud o enfermedad, honra o deshonra, guerra o paz crecida, que a todo digo que sí. Voilà. Voilà, c'est donc après ce chant en espagnol, ces paroles de Thérèse d'Avila, vous, je suis, pour vous, je suis. Je suis à vous, je suis, à je vous. Suis né pour vous. Je suis né pour ce vous. Qui fait bien la transition justement pour l'entrée au Carmel. Du père, du père enfin, Jacques, de Jacques Bunel, Lucien toujours. Bunel. Lucien Bunel. Il s'appelle Lucien Bunel, toujours. Alors évidemment, cette entrée a été un peu difficile parce qu'il a dû patienter longuement. Nous ne pouvons pas parler de ces années où il bataille. Ça a dû être difficile pour lui. Parce que... Oh oui, très difficile. Et d'ailleurs, pendant l'été 1929, oui. Il va au Petit Castelet dans le Midi, qui est un petit noviciat. Et il attend pendant tout l'été la permission de son archevêque d'y entrer au noviciat, car il a décidé qu'en septembre, il entre au noviciat. C'est pas, mais l'archevêque, jusqu'à la rentrée du 20 septembre, rien n'arrive et il revient douloureusement à l'Institut du Havre. C'est-à-dire, ce qu'il vit, c'est ce déchirement. C'est-à-dire que ce qui lui pèse, c'est ce déchirement intérieur entre cet appel intérieur de Dieu et son action. En fait, mais c'est à travers les Carmélites du Havre qu'il découvre aussi la vocation de Carme. Oui, il fait la connaissance et il apprend là que des Carmes existent. J'en profite pour dire que les sœurs Carmélites du Havre, puisqu'il y a encore un Carmel au Havre, ont contribué aussi à la préparation de la retraite. Donc c'est une et elles reçoivent quoi, les intentions de prière ? Elles reçoivent aussi les intentions de prière des internautes. Elles ont participé au calendrier de l'Avent, qui est aussi une manière de montrer que la famille du Carmel, il y a des laïcs du Carmel qui ont participé aussi. Donc les trois branches de l'ordre du Carmel ont collaboré à cette retraite et c'est émouvant de penser que puisque le père Jacques a connu les Carmes à travers le Carmel du Havre, qu'encore aujourd'hui, autour de la figure du père Jacques, il y a cette collaboration qui continue. Voilà, donc Carmel du Havre. En 1928, donc grâce au Carmel du Havre, le père Jacques rencontre le vénérable père Marie-Eugène, l'enfant Jésus, au Havre. Oui. Ils ont des entretiens. Et Marie-Eugène témoignera de sa grande admiration pour ce prêtre déjà tout feu et qu'il espère, dans une lettre, il écrit ensuite à la prieure du Havre, qu'il espère bien qu'il va choisir le Carmel. Effectivement, il le fait, mais il va attendre donc de 1928, où il est déjà décidé. Il remercie d'ailleurs la prieure du Havre de lui avoir révélé sa vocation véritable. C'est vraiment le Carmel, lui, c'est cela. Mais il va devoir patienter jusqu'à la rentrée d'octobre, jusqu'en septembre 1931, avant de recevoir la permission de son archevêque de quitter le ministère sacerdotal, le ministère diocésain. Diocésain, oui. Voilà. Alors, une parenthèse, le père Marie-Eugène qui a fondé l'Institut Notre-Dame de vie. Voilà, qui est vénérable. Oui. Donc, il entre le 14 septembre. le 14 septembre 1931, voilà, à Lille. Au noviciat de Lille. À Lille. Car entre-temps, le Carmel de France s'est restructuré en deux provinces. Il n'y avait qu'une seule province depuis le retour des Carmes en France, des Carmes en, France en 19 l'exil. Et après l'exil et la Première Guerre mondiale. Et il va y avoir donc cette province de Paris dans laquelle il entre. Et le noviciat en même temps se déplace d'Avon à Lille. Il a fait des retraites à Avon. Il a fait avant cela plusieurs retraites à Avon. Oui, nous avons d'ailleurs les notes de ces retraites qui sont extrêmement intéressantes pour voir comment la parole de Dieu s'inscrit aussi profondément en lui comme lumière sur son chemin. Donc voilà, il entre. 31-32 à Lille. C'est cela, le noviciat avec le père maître. Alors voilà, facétieux toujours. Enfin, voilà, sa personnalité. La personnalité reste ce qu'elle est. Il y avait cette tradition perdue, je crois, j'espère en tout cas, de peser les novices, n'est-ce pas, pour voir un peu s'ils prenaient du poids, non seulement spirituellement. Et un jour, l'un des novices était sur la balance, et puis celui qui regarde, il voit, il a grossi de plusieurs kilos. Tout étonné, alors le père maître regarde un peu, et puis le pied du père Jacques était en train de peser sur la balance. Dans votre cellule, frère Jacques. Ça s'est arrêté là, et ils l'ont bien gardé quand même. Mais bon, ça montre, voilà, ça montre bien aussi cette liberté, puis l'humour qui est toujours animé aussi. Plein de vie. Voilà, c'est là qu'il connaît aussi, entre autres, un autre frère de la province qui est novice avec lui, le père Victor, le futur père Victor. Sion. Victor Sion. Oui. Qui a été un novice. En même temps, pour le père Jacques aussi, c'est un temps spirituel particulier. Il se découvre lui-même. Je cite une lettre qu'il écrit en 1932 à un de ses amis, pour aussi son cheminement intérieur par rapport à sa personnalité. « Je commence à être loin de l'assurance que j'avais dans tout ce que je faisais il y a 10 ans. Je me sens tellement maladroit. Et pourtant, j'aime si profondément tous ceux qui souffrent. Il me semble que je me ferais tuer pour sauver n'importe lequel d'entre eux. Mais quelle distance du désir à la réalisation. Prier pour ma pauvre indigence. » C'est-à-dire que le caractère fort et l'assurance que le père Jacques a, avec ses talents de prédicateur, ses talents de leader, il découvre aussi l'envers du décor à travers toute l'expérience aussi du Carmel, qui est une expérience de dépouillement. Et découvrir aussi que par lui-même, il ne peut pas grand-chose. Ah oui, voilà. Et donc à travers ce chemin noviciat, il approfondit son chemin déjà de purification, son chemin de sanctification. Il en témoigne à de nombreuses reprises dans ses lettres. Mm-hmm. Son chemin continue ou son chemin commence. Ah oui, bah oui. Voilà. Et c'est un chemin qui va se poursuivre. Oui. Et il est devenu frère. Donc il va faire Jacques. Frère Jacques, oui. Il avait un autre nom avant, mais enfin, peu importe. Ah bon. Et il avait rêvé d'un autre nom. Il avait rêvé. Mais il reçoit celui-ci. La seule chose qui le désole, c'est que Marie n'y soit pas mentionnée. C'est la seule chose. Mais enfin, frère Jacques de Jésus, il aime beaucoup tout de même. Bon. Mais il reçoit ce nom. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que nous avons le témoignage du père Jean-Pierre de la Trinité, Jean-Pierre Thibault, qui ne l'a connu. À Avon, il était jeune prophète, il venait comme étudiant à Avon quelques années plus tard, en 43-44, et le père Jacques est venu faire une conférence au jeune prophète, et il se rappelle que le père Jacques avait surtout insisté sur le fait que, enfin, manifestait surtout le désir que de garder l'élan. N'est-ce pas, de poursuivre la route, de ne pas penser qu'une fois qu'on a fait sa profession, qu'on est sorti du noviciat, tout est fait. Oui, c'est ça, voilà. Donc de rester en marche, toujours en marche. On est éveilleur toujours. Nous ne sommes pas. Nous Saint Thérèse d'Avila dirait il faut toujours commencer. Voilà. Il faut toujours commencer. Et Jean de la Croix, il faut toujours marcher sur ce chemin. Voilà. Bref, c'est très carmélitain. C'est très carmélitain. Et les carmélites elles-mêmes, nous avons le témoignage dans le livre du Père Philippe, de l'approfondissement qu'elles ressentent elles-mêmes dans le ministère, par exemple, de prédication de retraite. Et il a prêché une retraite en 1936 au monastère du Havre. Il en prêche une autre à Pontoise en 1943. Mais il y a des carmélites du Havre qui sont venus réfugiés à Pontoise. Et elle témoigne que à ce moment-là, nous sommes unanimes à trouver que la seconde retraite, donc celle qu'elle vient d'entendre, dépasse de beaucoup la première, peut-être pas au point de vue flamme, le père Jacques ayant toujours été à notre connaissance embrasé d'amour de Dieu, mais cette seconde retraite était nettement plus profonde, plus carmélitaine. Le père se montra plus compréhensif, plus large, plus aidant pour l'âme qui le consultait. Ah, vous voyez, donc, oui, il y a une transformation qui s'opère. Un travail qui se poursuit. Hein, oui. Voilà, il est éducateur, il a au Carmel d'Avon comme directeur du petit collège une vie un peu à part de la communauté des frères qui vivent en clôture de l'autre côté, mais il poursuit très fidèlement cette vocation de Carme, cette être tout à Dieu, cet enracinement et cette profondeur mystique qui marque son itinéraire. Et il commence à s'unifier. Et il s'unifie. C'est ça donne... Ce qui va l'aider à s'unifier, c'est un peu la surprise de la Providence, c'est-à-dire que le Seigneur va lui redonner ce à quoi il avait renoncé. Puisqu'effectivement, en entrant au Carmel, surtout à l'époque, l'idée d'éducation, il avait fait une croix dessus, un sacrifice dans la foi, puisqu'il se sentait appelé au Carmel par le Seigneur. Et il se trouve qu'on va lui demander de revenir à l'éducation. Comme quoi, le Seigneur écrit droit avec des lignes courbes, mais il a son idée et il la poursuit. Voilà, oui, c'est ça. Un éducateur. Et de fait, le fait que cette province renaît, la province de Paris, conduit l'autorité supérieure à demander à cette province de créer un collège ou un petit séminaire, on dirait dans un diocèse, un petit séminaire, dans un ordre religieux, un petit collège. Et donc... Puisqu'on a sous la main un éducateur qui a déjà fait ses preuves dans son diocèse, et on nomme tout le tout jeune prophète, 1934, le jeune prophète frère Jacques, le père Jacques de Jésus, on le nomme directeur, fondateur de ce petit collège, qu'il va alors façonner selon son idée, selon le génie d'éducateur qui est le sien, avec les permissions nécessaires ad experimentum, comme on fait souvent dans ces cas-là, n'est-ce pas ? Donc on renouvelle chaque année la permission de ne pas suivre tout à fait les règles voulues par le centre de l'ordre à Rome, parce que, on considère son expérience. Il avait été, avant même son entrée au Petit Castelet, un petit noviciat de la province unifiée, de l'unique province avant son entrée, il était resté tout un été. Et le père Marie-Eugène en était le directeur. Ah. Et il avait critiqué, à la fin, fait toute une critique sur l'éducation, tout en disant que depuis que le père Marie-Eugène est là, cela s'améliore nettement. Mais donc, il avait déjà un regard très critique sur ce qui se vivait comme type de formation pour ces petits novices. Hein, parce qu'au fond, on prenait des enfants, on les éduquait pour qu'ils deviennent ou qu'ils s'épanouissent en frères carmes plus tard. Alors lui, il va renoncer. On va dire qu'on n'est plus dans ce temps-là. On va accueillir plus largement en éduquant à la sainteté et en aidant ces jeunes en toute liberté à découvrir leur vocation et en faisant confiance au Seigneur que parmi eux, il y aura aussi la vocation de jeunes qui entreront au Carmel. Et de fait, dans une d'un témoignage, on apprend par exemple en 43-44 qu'il y a 7 jeunes étudiants du petit collège qui sont devenus carmes. Tous n'ont pas persévéré, aucun, mais peu importe, ils sont là, ils ont été attirés à travers ils sont passés d'un côté à l'autre du petit collège au séminaire. Au noviciat du Carmel. Oui, d'autres comme Wimal sont devenus tout à fait autre chose. Tout à fait, mais il y a aussi le père Lannes, Emmanuel Lannes, qui est devenu donc l'un des grands spécialistes de l'écuménisme chef-togne. Chef-togne, Donc on va se retrouver dans quelques instants avec le père Jacques. Et Dieu dans tout ça, James Combépine. Chaque semaine, je vous propose de nous retrouver autour de la question « Et Dieu dans tout ça ?» Avec nos invités, qu'ils soient croyants, athées ou en recherche, et à partir de leur parcours, de leurs idées ou de leurs actions, nous prendrons le temps d'évoquer leur rapport au monde et nous échangerons sur le sens qu'ils donnent à l'existence, à la spiritualité et à Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça, avec James Combépine, tous les samedis à 8h03 sur Radio Notre-Dame. Cette semaine, James Combépine s'entretient avec Dominique Dimet, chanteuse engagée pour les droits des enfants et la protection de la planète. Parce que la musique ouvre les portes de l'âme, le père Claude Olivier nous mène à la baguette et nous emmène tous les lundis et mercredis à 16h dans un voyage intérieur pour explorer avec lui les trésors de la musique sacrée. Les grandes heures de la musique sacrée, tous les lundis et mercredis à 16h sur Radio Notre-Dame. Bonjour, c'est Claire de Castellane. Je vous donne rendez-vous pour la signature musicale d'un invité. Une musique qui lui tient à cœur, qui l'accompagne. Certaines seront surprenantes, d'autres émouvantes, mais toutes nous permettront de découvrir la face cachée, privée, parfois même inattendue, d'une personnalité. Signature musicale, avec Claire de Castellane, tous les lundis à 11h15 et 17h45 sur Radio Notre-Dame. Histoire d'en parler. Le XXe siècle. L'ère des guerres mondiales, des totalitarismes, des génocides, et pourtant, la France a rarement connu une telle vitalité chrétienne qui illustre les noms de Maritain, Claudel, Bergson, Mauriac, Bernanos et bien d'autres. Je vous invite donc à franchir avec moi la porte étroite d'où fuse la lumière de l'espérance. Histoire d'en parler avec Jean-Paul Clément, tous les dimanches à 10h15 sur Radio Notre-Dame. Radio Notre-Dame. Voilà, donc, nous poursuivons avec le père Jacques de Jésus. Vous aviez une citation, frère Jean-Alexandre. Oui, à propos des méthodes pédagogiques du père Jacques et son sens théologique même de l'éducation, je cite un texte assez connu qu'il écrit à propos de l'éducation. « Soyons courageux, le vrai but de toute éducation humaine doit être la sainteté. Qu'on ne s'y méprenne pas, la sainteté bien mieux que l'art ou le génie est l'épanouissement de notre personnalité. Seuls les saints sont réellement libres. » Sainteté et liberté vont de pair, en effet, et il nous faut en prendre conscience. C'est l'éducateur qui apprend à l'enfant à conquérir cette liberté intérieure. La victoire la plus décisive sera obtenue le jour où l'éducateur aura fait comprendre et goûter à son disciple la différence qui sépare la joie du plaisir. Pour réussir cette éducation des enfants de Dieu, une condition est absolument nécessaire, il faut une atmosphère de joie. De cette joie que notre mère Thérèse d'Avila et notre sœur Thérèse de Lisieux ont si naturellement goûté, qui ne sait le sourire malicieux de cette petite Normande, son bel entrain en récréation. C'est extrêmement contemporain, mais on est quand même en 1935. Oui, oui. On est avant Vatican II sur ce sens de l'appel à la sainteté pour tous. C'est voilà. Ça en dit long sur la vision d'éducateur du Père Jacques, le fait qu'il est en avance sur son temps, sur beaucoup de choses, et qu'il a la capacité de le dire de manière claire et nette. Bien sûr. Et de tester ses intuitions à travers ce petit collège. On devrait en prendre aujourd'hui, on est en crise d'éducation. Ça il y aura pourrait. Beaucoup à dire, oui. Voilà, c'est vrai. Voilà, je pense que ce sont des figures qu'on pourrait retrouver avec beaucoup de profit pour les jeunes. On va écouter tout de suite, c'est. Une parole d'Élisabeth de la Trinité, « Je vais à la lumière », mais on peut tout à fait l'attribuer au Père Jacques de Jésus. Puisqu'il habite en nous, notre Dieu tout amour, pour le monde assoiffé, demeurons à la source, où nous puisons le ciel un peu plus chaque jour. Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie. Voilà, donc c'était ces paroles d'Élisabeth de la Trinité, « Je vais à la lumière », le Père Jacques aussi. Élisabeth s'est fêtée le 8 novembre, donc oui, c'était de bon goût de faire le lien entre les... Entre les deux. Entre les deux, puisque c'est la fête d'Élisabeth, le 8 novembre. Donc, demain, oui. Donc, très bien. Oui, très oui. Bientôt. Oui, alors, bien sûr, il y a cette insistance sur la sainteté et sur donc, la profondeur de l'expérience spirituelle qu'il permet aux enfants. Et il le permet plus particulièrement dans la célébration eucharistique. Et à ce moment très précis, il y a beaucoup de témoignages sur la prière qu'il fait à haute voix pour accompagner l'action de grâce après la communion, qui touche très profondément les enfants. Ils entendent un frère prier, un aîné, un père prier à haute voix pour remercier le Seigneur de cette présence et pour les conduire plus loin. Mais inséparablement, dans tout l'effort éducatif du Père Jacques, et surtout avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale et l'expansion de la barbarie et cet ébranlement des valeurs, il y a aussi une forte insistance sur la culture et sur le fait qu'il nous faut nous rencontrer entre ces différents mondes qui se sont séparés, cloisonnés, ghettisés. Et alors, il va organiser plus particulièrement, par exemple, en 1943-1944, voici les conférences d'orientation professionnelle ou de culture générale. Voilà qui il invite, par exemple, le général Tassel, je ne connais pas, le directeur des laboratoires de la SNCF, maître Jean de Grandmaison, avocat, le directeur de l'école de sciences politiques, le père Épagneul, qui est le fondateur des missions des campagnes, l'abbé Daniel, l'un des auteurs là, donc, de la France pays de mission, oui. Et puis deux camarades de guerre cégétistes. Donc voilà, il s'agit de faire comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde complexe où il nous faut nous écouter et nous rencontrer. C'est très d'actualité, ça. C'est un effort constant. Et aussi un monde où il y a des laissés pour compte et des marginaux. Et là, il devient aussi aumônier d'un camp d'éducation surveillée qui se trouve près de Fontainebleau, où il y a une centaine de jeunes qui sont condamnés par la justice. Il va y célébrer la messe. Et il a, avec le père Marcel, que j'ai connu encore, qui était un ancien jossiste, qui le restait toute sa vie, et donc proche aussi par l'esprit du père Jacques et de son expérience, du maître monde ouvrier. Et donc, ils vont avoir la joie de voir la demande d'un baptême et sept autres premières communions, et donc des conversions et des fêtes organisées pour ces jeunes délinquants dans ce monde bouleversé de la guerre de la France occupée, hein, les 43-44. Donc il y a, voilà, et on sait aussi tout l'effort que fera le Père Jacques lorsque la synagogue de Fontainebleau est détruite, pour conduire ces élèves-là, pour aider, rendre témoignage de la solidarité de ces jeunes. Alors donc peut-être, et cela il va le retrouver, mais on va en parler dans les camps, hein, cette multiplicité des classes sociales différentes, mais on peut peut-être parler de l'arrestation, du moment d'arrestation. Ça s'est passé quand L'arrestation, elle arrive un peu comme une conséquence, c'est-à-dire que, on parlait de l'année 1935, la montée du nazisme donc se poursuit en Allemagne. Le père Jacques commence à se positionner en écrivant quelques textes par rapport à la barbarie nazie, en commençant à s'impliquer de manière personnelle avec l'accord du provincial, je crois, dans la résistance. Oui, après. Et puis en faisant le choix aussi d'accueillir des enfants juifs au petit collège, de manière secrète. Pour les cacher, oui. Et jusqu'au jour où il va être dénoncé par la Gestapo. 15 janvier 1944, donc la date anniversaire, où la Gestapo va débarquer avec Korff au petit collège, avec précisément le nom des trois enfants juifs, leur nom on va dire de camouflage pour qu'ils puissent passer inaperçus, leur nom civil. Ils savaient précisément dans quelle classe ils étaient. Ils étaient bien renseignés. Hein. Ils étaient bien renseignés dans quelle classe ils étaient, où était le père Jacques. Et c'est là quand tous les enfants et les professeurs sont réunis dans la cour, que l'appel est donné et que le père Jacques est donc appelé à partir avec les trois enfants et donc dit ces fameuses paroles « Au revoir les enfants, continuez sans moi ». Moment grave pour le petit collège, un moment de grand départ pour le père Jacques. Voilà, et le petit collège, effectivement le père Jacques, comme le père Philippe de la Trinité qui est son adjoint, mais moins connus, sont dans un réseau de résistance. Et le père Jacques n'a pas pris les armes, mais il a contribué notamment au renseignement, service de renseignement de la France libre, et plus particulièrement dans plusieurs filières de passage pour des STO ou pour ceux qui étaient poursuivis par la Gestapo ou les nazis, et notamment toute une filière pour les enfants juifs. Mmh. Il y a eu ces trois enfants que nous connaissons parce que justement ils n'avaient plus trouvé de famille pour les accueillir, donc ils les accueillent vraiment comme élèves, sous une fausse identité, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont passés par là, par cette filière, donc aussi liée à Notre-Dame de Sion, à partir de Paris. Ce qui est assez marquant dans cette période, c'est la grande conscience qu'a le père Jacques des risques qu'il prend. Oui. Je cite une lettre l'avant-veille de son arrestation, donc le 13 janvier 1944, où il écrit ceci, c'est très émouvant. « Il est fort probable qu'avant peu, des événements très graves se passent à mon sujet. Si je suis fusillé, réjouissez-vous, car j'aurai réalisé mon idéal, donné ma vie pour ceux qui souffrent. » Donc une pleine conscience d'une liberté qui se donne, qui se risque, et en même temps, cet aussi grand sens de, au fond, la meilleure façon d'éduquer, c'est de se donner et de montrer que, pas par des mots, mais par une vie donnée, ce que je désire transmettre. Dans un autre texte, il le dit très bien, ça. Donc on a quelqu'un qui ne fait pas ça de manière légère ou en disant « on veut voir si ça passe », il se donne dans les risques qu'il prend. Jusqu'au bout. Ça a dû marquer ses élèves, cette éducation-là d'un don total, d'un exemple donné par l'exemple. Oui, profondément. Profondément, oui. Les élèves, ceux qui l'ont eu comme professeur et qui ont vécu ces années au petit collège ont été marqués profondément. Et dans leur vie professionnelle ensuite, dans leur vie d'époux, de père, de famille, ont profondément continué à vénérer le père Jacques et à recevoir de lui l'élan de ce don d'eux-mêmes. Il y en a quelques-uns qui vont devenir missionnaires parmi les témoins du procès. Il y a un missionnaire d'Afrique, il y a un médecin, il y a un ambassadeur. Des hommes qui vont aussi s'engager dans la vie professionnelle et dans le service des autres. C'est vrai, ils témoignent eux-mêmes du rayonnement du père Jacques pour leur formation. Il est arrêté, donc il va, je crois, il y a la prison de Fontainebleau, non ? Il est d'abord à la prison de Fontainebleau. Les supérieurs cherchent à le faire libérer, mais il s'y refuse si on ne libère pas tous ceux qui sont arrêtés en même temps que lui, car il n'est pas arrêté tout seul. Enfin, dans cette même période, dans ces mêmes journées, sont arrêtés le maire d'Avon, Rémy de Dumoncel, le secrétaire de mairie, etc. Donc, tout un réseau. Qui sont eux-mêmes arrêtés et déportés. Et donc, il y a une solidarité. Et puis, cette phrase qu'il dit lorsque... il faut des prêtres dans les prisons. Si vous saviez, il faut des prêtres dans les prisons. Donc il fait ce choix. On voit deux choses très, très fortes chez Père Jacques. Bon, d'une part, il y a cette espèce de grande conscience de sa responsabilité, de sa vocation de prêtre, mais aussi ce sens de la solidarité qu'il va garder jusqu'au bout dans les camps. Il refuse absolument une forme de fuite ou de facilité. Et même quand il va être libéré des camps, il refusera tous les passe-droits. Alors, il y a à la fois, je pense, son origine sociale et ce refus de profiter, mais aussi cette espèce de sens profond d'une solidarité qui va jusqu'au bout, qui est profondément christique. Il reste christique. Il ne veut pas échapper à une condition humaine qu'il veut assumer jusqu'au bout. Et donc, c'est extrêmement fort de cette liberté qui se donne. C'est-à-dire que même au moment où il peut partir, ou par des passe-droits, il peut être libéré, il choisit de rester. Je pense au Christ en sa passion. Ma vie, il me la prend, c'est moi qui la donne, et je reste là parce que c'est la voie que Dieu me trace. C'est librement le don dans l'horreur, parce que c'est l'horreur qui commence, malgré tout. On va la découvrir ensemble. Oui, donc il va être d'abord à Royaumont. Oui. Donc à Royal-Dieu, pardon, Royal-Dieu. Et dans ce près camp, de Compiègne. Près de Compiègne, où il donne des conférences, et il alerte un petit peu ceux qui sont responsables du camp, et il va être déporté dans un premier temps à Neue Brême, à la Brême d'Or près de Sarrebruck, qui est véritablement déjà un camp d'épuisement et d'extermination, pas avec les chambres à gaz et tout ça, mais où les prisonniers, voilà, sur 50, je ne sais plus, il y en a au moins la moitié qui meurent là. Et qui est destiné à des personnes particulièrement dangereuses. Et particulièrement dangereuses. Tous n'y vont pas. Voilà, c'est le ça. Père Jacques est repéré comme un leader dangereux. Dangereux. Ah, il est classé Nart und Nebel, hein, c'est-à-dire de ces prisonniers qui sont complètement coupés. Hein, ah oui, nuit et brouillard. Nuit et brouillard. Mais bon, on va entendre nuit et brouillard, oui, c'est ça, qui sont complètement coupés de leur famille. Et voilà. Puisque dans le camp, il y aura ceux qui reçoivent des colis et ceux qui n'en reçoivent pas. Il est parmi ceux qui ne recevront jamais de colis. Ah oui, parce que... oui. Parce qu'il y a des colis. Parce qu'il a une influence telle sur les prisonniers qu'il faut le mettre à l'écart. Il est considéré comme dangereux. Une influence considérable. Alors, il y a un témoignage bouleversant apporté par le père Philippe de la Trinité, n'est-ce pas, de cette marche très lente autour d'une piscine à Neuilly-Brême, où il prend le pas, il est le premier, il est toujours en bure, il est en bure jusqu'au Mauthausen. C'est à Mauthausen, quand il arrive au camp de concentration, qu'il va quitter sa bure, ce qui est assez étrange et étonnant. Donc il est toujours marqué comme le prêtre et le carme. Et il se met au rythme des plus faibles et des plus pauvres. Et au bout de 3 semaines, il demande même à rester là, au revir, donc à l'infirmerie, au service de ceux qui sont, qui sont au bout du rouleau, épuisés. Mais on va le déporter. Il va aller plus loin, à Mauthausen. Donc, à Mauthausen, de Mauthausen à Gusen. Alors justement, il est considéré comme nuit et brouillard, c'est-à-dire dangereux et coupé de tout. Tout à fait. On va écouter justement cette chanson de Jean Ferrat qui évoque cette situation nuit et brouillard. Radio Notre-Dame. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles souffle battant, vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent. Voilà, on s'imagine le père Jacques dans ses... Des milliers, oui, ils sont 10 000 à Gusen. C'est un camp annexe de Mauthausen, construit dans ces années 43. Voilà ce que Louis Deblé, qui est un jeune homme de 19 ans, qui vit là depuis 2 ans lorsque le père Jacques y arrive, et après la libération, il fait un mémoire sur ce qu'était le camp. Je lis simplement ceci. Voilà comment il interprétait le système nazi. Était simple. Voilà des hommes qui ne sont pas convaincus de la supériorité de notre doctrine et de l'infériorité de leur race par rapport à la race allemande. Avant de les exterminer, tentons une expérience. Groupons-les tous, ceux de l'Ouest, ceux du Centre, ceux de l'Est, tous ceux qui croient avoir une foi, un idéal autre que le nôtre. Faisons-les garder par l'élite de l'Europe, les SS. Plaçons-les sous la dépendance absolue des plus beaux criminels de nos prisons et de nos centrales. Réduisons-les à l'état d'animaux par des conditions de vie épouvantables et attendons. Nous verrons alors s'ils continueront à garder la foi. Donc, c'était, voilà comment il l'interprète en 1948, le système dans lequel il entre. Eh bien oui, dans ce monde où tout va vers l'avilissement pour que vraiment on perde son âme, le père Jacques va rayonner véritablement comme un témoin de la foi et comme l'un des plus grands. Car il est dans ce monde de Gusen le seul prêtre, pratiquement. Et il va exercer... quand il arrive, il dit, en regardant ce qu'il voit, et ça va surpris justement Louis Deblé, qu'il entend murmurer, il va y avoir des choses à faire ici. Et donc, voilà, il décide véritablement d'exercer, alors qu'il est évidemment interdit, absolument interdit, d'exercer toute religion et tout signe religieux, il va se consacrer à tous les prisonniers qui sont là, français et polonais, etc., mais aussi aux athées, pour être témoin du Dieu vivant, confesser ceux qui sont catholiques, et il va même jusqu'à pouvoir dire la messe, caché. S'il avait été surpris, il aurait été aussitôt massacré, comme un prêtre autrichien qui venait d'être massacré le vendredi saint avant son arrivée, pour avoir exercé son ministère au milieu des... Quelle barbarie, c'est... Voilà, c'est très dur, mais ce qui est remarquable, c'est... Son rayonnement. Son rayonnement, Justement, le titre de la retraite, Devenir lumière dans la nuit, c'est justement dans ce paysage de fond absolument horrible que, par contraste, la lumière du père Jacques, mais je dirais surtout la lumière de Christ, rayonne à travers lui. Pas de manière, je dirais, vaporeuse, mais dans les actes concrets de charité. Combien il y a de témoignages sur les actes du père Jacques qui se prive d'alimentation pour les donner aux plus faibles, qui s'occupe des malades, qui maintient haut l'esprit, comme ce sera dit, pour résister intellectuellement aussi, garder un idéal face à l'avilissement qui est proposé. Le père Jacques, sur tous les fronts, si on peut dire, à la fois spirituel, intellectuel, on parlait beaucoup de la culture, étant capable de discuter avec les communistes, qui font partie de cet autre monde des camps. De résistants, oui. Est capable de rallier, au fond, d'unifier et de réunir toutes ces personnes si différentes à la fois au niveau des nations, des langues, mais aussi des univers culturels et sociaux. Une figure qui émerge, il se donne concrètement, comme il l'a désiré auprès des plus pauvres, mais il donne de sa personne aussi. Et parmi les témoins, il y a Roger M, qui sera ensuite directeur du Musée de l'Homme à Paris, qui écrira très vite après la libération, la sombre route, où il rendra un grand témoignage au père Jacques. Et quelques 10 ans après, en 1955, voilà ce qu'il disait à Avon. Et c'est vraiment quelque chose qui nous dit la grandeur de la personnalité du père Jacques telle qu'elle résonne encore après, 10 ans après. C'est le plus grand peut-être de ceux que nous avons connus. Quand ce lieu, donc Avon, aujourd'hui nous avons retrouvé, 10 ans après qu'il se fut éloigné de nous pour regagner le collège d'Avon qui fut le sanctuaire de son activité et finalement celui de son éternel repos. La physionomie du père Jacques, dont la noblesse de son profil et l'éclat ardent et passionné de ses yeux sous la compacité volontaire de ses sourcils scrutateurs, est imprimée dans le cœur et dans la vision de chacun de nous. propre à un homme d'action et à un conducteur d'hommes, sa dignité dont il ne se départit jamais aux heures les plus tragiques de son calvaire, laissait place à la simplicité la plus souriante, souvent marquée par des étincelles du plus subtil esprit. Sa conviction fulgurante se communiquait vite alentour, sans risque de brûler les sentiments de ses voisins. Son indulgence de prêtre laissait place à la sévérité de son jugement quand il le fallait. Il savait être ferme, mais il comprenait toutes les opinions de chacun à partir du moment où il les jugeait sincères. Il eût été fait pour présider un rassemblement des extrêmes à l'union de toutes les bonnes volontés. Son intelligence riche de connaissances et de curiosités, éloignée du superficiel et de l'à peu près, restait toujours ouverte à l'inconnu, que ce soit littérature, art ou science, avide de savoir, lucide et éclatante. Il avait l'intelligence d'un grand esprit, le cœur d'un apôtre et le caractère d'un chef. Voilà, c'est vraiment un résumé extraordinaire en quelques lignes de cette personnalité telle qu'elle s'impose dans le souvenir des déportés. Et il est tout à tous. Voilà, et tout à tous. Voilà, c'est vrai, véritablement cela qu'il a été et dont il a témoigné, et véritablement dans cet amour du Christ et dans ce désir, notamment dans le soutien vis-à-vis des jeunes qu'il rencontre, parce qu'il y a de tout jeunes déportés. Bon, De Blé qui a 18 ans ou 19 ans, Jean Cayrol qui sera un grand homme de lettres, n'est-ce pas, et dont il permettra... qu'il encouragera à écrire. Jusqu'au bout, il les soutient. Il le soutient dans et il annonce qu'il sera après la guerre l'un des grands écrivains. Visionnaire. Il le discerne aussi. Mm-hmm. Il discerne aussi cette qualité de cet homme et on pourra, à la fin de notre rencontre, en citer le grand rabbin Kaplan aussi, je crois. Alors le grand rabbin Kaplan participera aux funérailles du père Jacques au cimetière le 26 juin 1945. Alors donc là, le père Jacques s'est tellement épuisé qu'il meurt. Donc alors déjà le camp est libéré. Le père Jacques ne meurt pas sur place. Le camp est libéré le 5 mai 45 par les Américains. Mais effectivement, le père Jacques est à bout de force. Il est d'abord élu représentant des Français au comité du camp. Il peut l'exercer pendant une semaine. Oui. Et puis ensuite, il va à l'infirmerie. Les infirmières françaises arrivent, le sortent du camp, d'abord dans leur appartement, ce qui était contraire aux ordres des Américains, et puis à l'hôpital de Linz, en Autriche, donc, où il meurt le 2 juin 1945. Il est complètement épuisé. Mm-hmm. Il s'est donné totalement... Jusqu'au bout, il était déjà malade. La phtisie s'ajoutant à une pneumonie. Corps va être rapatrié à Avon. Le 26 juin, il a les obsèques à Avon, avec tous les honneurs. Avec l'hymne à la joie que l'on commence à entendre là, voilà, qui a été chanté, c'est l'hymne à la joie. Oui, et au moment où résonne ce chant des élèves, il y a aussi le chant des rossignols, des oiseaux qui se joignent la lumière près de, ce sont les témoins qui racontent cela. Oui. Cet hymne à la joie, vous vous souvenez la place de la joie dans le sens éducatif du père Jacques, puis sa personnalité qui reste vivante jusqu'au bout, ce souci d'éduquer dans une atmosphère de joie, une personnalité large qui ne supporte pas l'étroitesse, tout ce qui est triqué et trop sérieux dans le sens négatif. Et donc les élèves ont à cœur justement de célébrer cela, la vie et la joie, avec ce programme que leur donnait le père Jacques, en disant dans une des lettres après son expérience du front et avant son arrestation, vous avez la chance de vivre dans un monde difficile, à vous maintenant de reconstruire ce monde. Nous aurions voulu être des témoins et nous avons échoué nous-mêmes. Notre génération aurait voulu témoigner véritablement d'autres valeurs, mais ce monde dans lequel vous allez vivre sera un monde difficile, mais c'est tant mieux maintenant. Donc les encourageant dans les ruines de l'après-guerre, à reconstruire. Puis à prendre leur responsabilité. C'est ça. Bah, toute son éducation mise en œuvre par justement ces jeunes après. Tout à fait. Passeur qui passe son message et qui, oui, voilà, oui. C'est pour ça que je pense que tous les témoins qu'on entend encore aujourd'hui qui ont été recueillis sont aussi des gens qui ont été engendrés quelque part, oui, par le Père Jacques, à leur, oui, propre personnalité, leur propre être, et qui ne peuvent pas vivre de manière médiocre. C'est, bien pas sûr, possible quand on a rencontré un homme comme ça, mm, de vivre à moitié. Il y a quelque chose qui... On est obligé d'aller jusqu'au bout de quelque chose, au bout de son être. Et voilà, cette reconstruction, effectivement, c'est aussi la reconstruction à travers la réconciliation du peuple français et du peuple allemand. Enfin, c'est, oui, bon, oui, cet hymne, il prépare l'avenir. Pas un peu, oui, l'hymne européen. Bah, européen, hein, oui, aussi. Donc, c'est cela aussi. Mais c'est déjà aussi avant, cela, avant, ouais, même. Ouais, donc, ouais, il y a ce projet. Il faut traverser la barbarie. Il faut traverser, mm, tout ce qui divise et fait des peuples haineux, mm, les uns contre les autres en les unissant, en les dans ce travail de réconciliation, mm, et ce travail de construction, de connaissance mutuelle, de respect des différences. Voilà, c'est tout ce travail d'éducateur qu'a voulu, mm, faire, mm, aussi le Père Jacques. Alors je voudrais peut-être, oui, si vous voulez, donner le témoignage de Jean Cayrol, oui, dans un poème au Père Jacques, qui est inédit, mais qu'il a offert au couvent d'Avon en 1988. Il s'adresse au Père Jacques. Et il est donc déjà âgé à ce moment-là, Jean Cayrol. « Père Jacques, vous me donnez la force d'être à visage ouvert et je vous trouve sur mon chemin en pleine gloire. Mes yeux blancs, mes cheveux blancs ont perdu le vert de mes hivers et je suis dans vos silences, à jamais sans histoire. Père Jacques, que je ne sois pas cet enfant misérable, un errant qui se plaint et ne sait que trahir. » Vous, le tendre invité invisible à ma table, vous faites respirer les cordes de ma lyre. Père Jacques, mon compagnon du jour, mon trésor qui me gardait du mal dont je suis un veilleur, par chacun de vos mots si brillants dans votre or, aidez-moi à parler de la cendre d'un cœur. Père Jacques, aux mains ouvertes par nos plaies, je ne deviens plus qu'un seul de vos soupirs. Vous m'avez ouvert les yeux, vous m'avez donné la clé. Ne me laissez pas seul sur un trop vieux navire. Vous m'êtes l'immortel tremblement de la paix. Bel hommage de Jean Cayrol au Père Jacques de Jésus. Voilà. Cet hymne à la joie, hein, qui était donné le jour de son enterrement. Eh bien, nous terminons cette émission en redonnant, hein, les modalités, frère Jean-Alexandre. D'inscription, hein, donc vous pouvez vous inscrire à la retraite en ligne de l'Avent avec le Père Jacques sur notre site internet www.carme-paris.org. La retraite commence donc le mercredi 26 novembre. Vous pouvez vous inscrire auparavant, faire de la publicité autour de vous. Voilà. C'est aussi l'occasion de découvrir une grande figure qui est, mmh, voilà, qui est vraiment parlante pour notre temps. Et témoin du Dieu vivant face à la barbarie nazie. Un veilleur de son temps. Veilleur de son temps, devenir lumière dans la nuit. Voilà, un témoin de l'espérance. Un témoin d'espérance. Nous avons besoin de ces témoins. Oui, voilà, mais heureusement que c'est aussi dur et aussi, voilà, mais on peut violent. Lui demander de prier, et, voilà, de prier pour notre monde, hein, parce qu'il sait ce que c'est que de traverser la nuit, hein, d'être lumière dans la nuit. Un grand merci à tous les deux, frère Jean-Alexandre et frère Philippe Huger. Merci, merci. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à Joël Jessica qui vous accueillait au standard ce soir et Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Mardi à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera le père Bernard Peyrouze de la communauté de l'Emmanuel. À l'occasion du 11 novembre et en mémoire du 100e anniversaire justement de la Première Guerre mondiale, le thème de la soirée, pourquoi faut-il prier pour la France ? Très très bonne nuit à tous, bonne fin de semaine, bon dimanche. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.